d'UQAM en spectacle. C'est le show à ne pas manquer pour célébrer la fin de l'hiver. UQAM en spectacle te fait connaître les talents de la relève. Tu pourrais y découvrir les talents cachés d'un de tes amis, mais surtout de nombreux artistes de la relève dans des numéros aussi variés qu'éclatés. UQAM en spectacle, va te faire voir le vendredi 13 mars au Medley. Pour plus d'informations, visite uqamenspectacle.com. Billets en vente sur ticketpro.ca ou à la billetterie du Medley. Les productions Nuit d'Afrique présentent la troisième édition des Célidors de la musique du monde. Les Célidors sont les premières distinctions musicales qui soulignent le talent des artistes de la musique du monde. Jusqu'au 22 avril, tous les mardis et mercredis au Club Balatou dans le cadre de concerts gratuits, le public est invité à voter pour son artiste coup de cœur. Venez nombreux découvrir, apprécier et appuyer plus de 200 artistes originaires de 15 pays différents. Pour plus d'informations, consultez le www.festivalnuitdafrique.com ou composez le 514-499-9239. Les Célidors, le prix qui fait grandir le monde. Vous écoutez Choc, Choc FM. Choc, Choc, Choc, Choc, Choc, Choc. Bonsoir. En manchette ce soir, on parle de 911, de politesse et d'adolescent. À 70%, la meilleure chose qui soit arrivée à l'humanité depuis la conscience. VHS et puis de jeux vidéo, 70% contre les intellos. Tommy qui joue au Magic Zelda dans un band de punk, 70% de rejet à la radio. Oh oh oh oh oh. Bonjour, nous sommes à 70%. Vous pouvez laisser un message, mais ça sert à rien. C'était mon intro, j'aimais mieux la tienne, Bruno. moi aujourd'hui, je vais parler de G.I. Joe The Movie, ce qui est beaucoup mieux que ce que vous autres vous allez parler de. Celui qui s'en vient? C'est non, pas celui avec une vraie personne. De pas toute avec Dennis Quaid. C'est lui qui va faire Duke? Je sais pas qui. Ah, ils ont-tu injecté des cellules de Chuck Norris, Van Damme et Seagull, additionnées de Dennis Hubert Quaid Reeves? Réinventé. Ben là, il n'y a pas le choix, là, c'est Duke. Ouais. Duke, c'est comme MacGyver, mais plus. C'est comme Jésus, mais moins musclé. Et huilé. Ben oui, ben c'est oui. Comme Bruce Willis, mais... Non, c'est Bruce Willis, comme. Avec Mike Denton. Hey, mais toi, Étienne Forest, c'est quoi qui va se passer aujourd'hui? Ah, ben, moi, aujourd'hui, je fais un hommage à la femme en ce lendemain de Journée de la femme. Lendemain de veille de femme. Exact. Et puis Stéphanie Balthazar qui est de retour, pas seulement sous forme d'indicatif, mais sous forme de personne. Toujours là. Toujours là, ben sinon, tu sais, t'as un petit peu, on va voir. Ici Stéphanie, à 70%, ils m'ont forcé. Ben, c'est pas vrai qu'on l'a forcé parce qu'il est revenu la semaine d'après. Tout le temps. Vous m'avez appâté avec du chocolat. Et puis toi, Jess? Parle des femmes aussi, mais les titres de livres qui s'adressent aux femmes qui nous aident à être ce qu'on est. Et voilà. Et puis on devrait avoir plus tard dans l'émission Martin Gauthier qui va venir nous parler des noms de commerce à Laval, des jeux de mots dans les noms de commerce. Moi aussi, je vais probablement parler des crises de femmes bientôt. Encore eux autres? Ouais. Ah, on sait bien. Hein. Sûrement, en tout cas. Simon Boisvert sort de sa corps. Trop d'estrogène ce soir. Et sinon, ben moi, je suis allé manger au toaster tantôt, puis juste en avant, il y avait une place que c'était une poissonnerie, ça s'appelait Summum. Summum, S-A-U-M, apostrophe, Mum, M-O-M. J'ai eu mal. Et puis juste en haut, il y avait la pâtisserie et viennoiserie artisanale, les co apostrophe pain. Ouais. Là, je savais pas dans qui fesser. Fait que je me suis dit. Tu vas fesser sur nous autres. C'est ça. Ben, je vais vous, mettons, vous mettre au courant de mon désarroi. Et puis, ben, on va aller écouter Mega Man 2 chanter avec des lyrics. On est à 70%. On vous revient après. Là, Bruno, il est chaud. Là. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Vive la conscience, mais vive 70%. Way up highly, gonna get you, Dr. Wily. I am Mega Man, here's my mega plan. You die! Gotta run now. So fast paced, gotta climb now. It's a rat race. Gotta get that balding ass face. I am Mega Man, I eat Mega Plan. But why? 'Cause Dr. Wily is an old nasty son of a tape. He can't escape so slyly, but not this time. He thinks he's beaming, but he ain't! Gotta run now. Kill Flash Man, gotta run now. Also Crash Man, but I'm not gonna play the one with Slash Man. MM2 was tight, MM7 shite for real. C3 was good, and 4 was pretty good. And 5 and 6 were okay, but 7 sucked big dinosaur balls. Gotta run now. Guy Smiley, gotta climb now. Bill O'Reilly, gonna get you. Dr. Wily, I am Mega Man. Here's my mega plan. You die! Alors bonsoir, habitants de Montréal. Ici, une suggestion des plus intéressantes pour vos week-ends où vous manquez d'imagination et vous désirez retrouver le Montréal des années 60, 70 et les gens qui viennent avec et qui ont vieilli avec. Alors, sur la rue Saint-Zotique, au 1309 coin Chambord, on retrouve le Joe Kick Club, qui est un bar qui habituellement est fermé après 22 heures, mais... Tous les samedis, à partir de 18h, vous pouvez aller en musique et danse en ligne avec Lisette. Des hits tels que disco, rétro, country, latino et rock'n'roll seront au rendez-vous. Wow! C'est gratuit, belle piste de danse. Lisette est très, très, très, très, très gentille. C'est chouette, je me dis. Mais non, parce que sinon, il ne reste plus grand-chose. Non, il y a peut-être 8 tables, puis... On s'y sent chez soi. On s'y sent chez soi, oui. Une thunder ambiance. Ça a l'odeur de chez tes grands-parents et l'homme derrière le est sûrement ton grand-père. Est-ce qu'il y a des, j'espère qu'il y a des jarres avec des biscuits. Non, du jerky beef et des œufs au vinaigre. Des langues de porc. Des langues de porc à l'occasion. Oh, yeah. Sur commande spéciale, sur en dessous du frigo. Sur feuille de salade. Ça, c'est bon avec des chips. Ouais, ouais. Tu mets des chips, tu as langue. Sur la de langue. Porc, ben, t'as le dépanneur vietnamien à côté. Puis en même temps, t'as la texture si particulière de la langue qui donne l'impression que tu es morte dans ta propre langue, mais avec du vinaigre dedans. Mais avec moins de couleur. C'est une mise en abîme de ta propre bouche. Exactement. Dans une autre vie, quand t'es un cochon. La langue avec des chips sur ta langue. Donc, rappelle-nous l'adresse, s'il te plaît, Stéphanie. Au 1309 1309. C'est bien, Jessica, tu prends des notes, j'aime ça. Alors, c'est sur Saint-Zotique, je vous dirais peut-être 8 coins de rue à partir du métro Beaubien. Au coin Chambord. Donc, voilà. Promenez-vous dans la petite patrie tous les samedis, ça vaut le coup. On va voir Lisette. On va aller voir Lisette. Lisette, la championne. Bruno, nouvelle! Oui! Alors, on va y aller avec un premier bloc rapport. Là. après être allé dans les toilettes publiques d'une halte routière, un homme non identifié, il n'a pas voulu qu'on dise son nom, qui n'arrivait plus à trouver ses clés, a décidé de descendre dans le réservoir à déchets de la dite toilette afin de retrouver ses clés. Après quelques minutes de recherche inconcluante, il a constaté qu'il était coincé dans le réservoir. Ce n'est que 15 minutes plus tard qu'un autre client de la halte a retrouvé l'homme et a appelé le 911. Les pompiers ont réussi à déloger l'homme qui a utilisé le boyau du camion de pompiers pour se laver et a ensuite retrouvé ses clés dans sa poche arrière. Qui n'a pas désiré être nommé. Qui n'a pas désiré être nommé. C'est étrange. Ils ont demandé son nom, il a dit non, ça ne tente pas de vous le dire. Ils ont fait OK, on comprend. Veux-tu porter plainte contre toi-même? Ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un en ce moment qui écoute ça et qui rit beaucoup trop fort devant ses amis. Là. C'est louche. Alors, on continue. Après avoir commandé et payé pour son repas de 10 McCroquettes, la Teresa Goodman s'est fait dire que le restaurant était à court de McCroquettes. Elle a alors demandé à être remboursée, mais l'employé lui a offert à la place un McDouble en lui expliquant que toutes les ventes étaient finales. Goodman a alors fait ce que n'importe quelle personne censée ferait, appeler le 911 trois fois. En leur expliquant qu'elle ne voulait pas de McDouble, que si elle avait su qu'il n'y avait plus de mec croquette, elle n'aurait jamais donné son argent et qu'il s'agissait, il s'agissait bien et bien d'une urgence. God damn, a affirmé la police. D'une urgence. Ah oui, c'est God, la réponse du constat. Quand t'as une rage de croquette. J'aime bien que les ventes sont finales, même quand ils n'ont rien à dedans. Ils prennent ton argent, il n'en reste plus, c'est final. Ouais, c'est ça, c'est la politique du magasin. Exactement. Hey, sinon, Forêt, veux-tu nous saucer dans ton univers nauséabond audio un petit peu avant qu'on saute dans le G.I. Joe? Certainement, ça va me faire plaisir, mais avant tout, une petite pause. Hop, j'ai pas de son, on se court! Vas-y, là. Après la pause, DJ George traverse l'enfer de la drogue à 70%. Voici le clapper. Il suffit de le brancher pour allumer. À chaque semaine. Pour éteindre, un claquement des mains suffit. Idéal pour les endroits difficiles à atteindre. Muni d'une fonction absent, pratique et sécuritaire. Vos lumières s'allumeront aussitôt que vous entrerez dans la pièce. Ou si un intrus essaie... Clap on, clap off, the clapper. Disponible chez Canadian Tire, Walmart, Rexall et Home Hardware. Et voilà, un cadeau idéal, le clapper. Moi, je me rappelle de cette annonce-là, je me rappelle surtout de la vieille madame que elle était fatiguée, fait qu'elle allait se coucher, puis là, elle faisait super fort dans ses mains pour fermer la lumière avant de se coucher. Ça, c'est le genre d'affaire qui te détend. Ouais, c'est pas comme une switch, là, la switch chiante. La switch, faut que tu pèses dessus. Faut que tu t'étires, ou faut que tu l'éteignes à l'avance, puis tu risques de te cogner un orteil. Mais il va avoir un pourcentage de décibels. Auquel le clapon répond. Pour c'est pour ça qu'elle devait frapper parles, très fort. C'est ça, t'as pas le choix de te démancher une épaule. Mm-hmm. Alors aujourd'hui, mesdames, messieurs, c'est la première des 364 journées de l'homme. Alors, comme hier, j'étais pas ici en onde, ben j'ai manqué la journée de la femme, mais je vais quand même me reprendre. Et toutes les festivités, c'est rattaché. Oui, le festival de la femme poilue. Donc, je vais quand même faire un petit hommage aux femmes en passant quelques chansons qui ont rapport avec ça. S'il vous plaît. J'ai une petite blague appropriée qui vient ici du disque des blagues et des chansons que j'aimerais qu'on tolère. Vous savez pourquoi les femmes ne sont pas admises dans les tavernes? Parce que c'est défendu. Merci, bonsoir. Ah, c'est la fin de la joke, là? Oui, c'est ça. Nous sommes défendus. C'est ça, le punch. La chute est oui. excellente. Là, on parle, mettons, de notre origine commune à tous, là, quand on parle défendu. Oui, c'est de ça qu'on parle. Je suppose que c'est de ça qu'on parle. Oui, en tout cas, sinon, je ne l'ai vraiment pas compris. Donc, une fois qu'on a entendu cette bonne blague-là, on peut se demander, mais où sont les femmes? Comme Patrick Juvet en 1977. On a deux totems juste en avant nous autres, en tout cas. C'est gentil, Tony. Moi, je suis plus à court. On est défendu dans les bars, ça. Mm-hmm. Moi, je me sens visé quand tu parles de totems. Ça, c'est un gars qui chante? Ça, c'est un gars qui chante. Un gars castré. Ah oui. On rappellera que ça a été repris par la plantureuse Emily de Star Academy 1, je crois, en 2004. Hey. On s'en rappelle, hein. Ça a été remixé en dance comme ça. Celle qui avait levé la jambe. Mais pas qu'elle chante ça, ouais. Là, tu te rappelles de ça, toi? Ils ont parlé à toutes lever la jambe, non, pour être là? Elle l'avait levé plus parce qu'elle, c'était une gymnaste. Ah, OK. Ah, voilà. Voilà, voilà. Donc, ça plaît au directeur. Sinon, une fois qu'on sait où sont les femmes et qu'on les a trouvées, on peut se dire il en manque. Fait que qu'est-ce qu'on fait quand il manque de femmes? Ben on en produit, puis pour produire une femme, ben on prend une fille puis on la fait devenir femme. Et la bonne façon de faire ça, selon Nicole Croisille, c'est d'en baiser une, tout simplement. Donc Nicole Croisille en 1975 s'égosillait comme une folle dans la super chanson Une femme avec toi, qui commence doucement. Alors des hommes un peu bizarres. Bon, la 5, ça sent si bien. Si léger que la cendre de leur cigare, ils donnaient des soirées au château de Versailles. Ouf. Ce n'était que des châteaux de paille. Oh, ce n'était que la place Versailles. Et je perdais mon temps dans ce désert doré. Donc, en gros, pour paraphraser, là, elle couchait avec plein de monde, puis ça allait mal, puis elle, c'était juste des fausses promesses vides. Puis éventuellement, elle a rencontré celui qui allait la faire devenir une vraie femme. Et regardez sa description. Tu étais gay comme un Italien quand il est sec. qu'il aura de l'amour et du vin. Alors voilà, cet homme-là était gay comme un Italien, donc je sais pas trop pourquoi il s'est intéressé à elle. Peut-être qu'elle avait un peu la tomboy. Quand il sait qu'il aura de l'amour et du vin. Ouais, il devient instantanément gay. Gay dans le sens de bonheur. Ah, ok, j'avais pas compris. Jessica de secours, encore une fois. Elle devait travailler à SAQ. Merci au gay de lexical. Sponsorisé par la SAQ. Donc voilà, elle est enfin devenue femme, une femme avec lui. Est-ce qu'un vibrateur pourrait faire d'une fille une femme? Je pense que oui. Ça dépend. Est-ce qu'il aime le vin et avoir de l'amour? Est-ce qu'il devient gay? Évidemment, cette chanson-là, c'est un crescendo de bonheur, puis ça monte très, très lentement, mais si on jump un peu plus loin, là... Merci! Ça va voir ça. Vous voyez toute l'intensité. Pas trop fort, tu me fais mal. Les vimettes sont en train de piquer. Elle est rendue trop fan. Elle est rendue beaucoup trop fan. Elle est en train de coucher probablement. Attention, il y a un autre pic. Ça, c'est la ménopause. Ça n'arrête plus. Nous avertissons. Tenez-vous bien. Alors, mesdames qui nous écoutent ou mesdames en studio, la prochaine fois que votre homme vous fera sentir femme, levez-vous du lit et criez-lui cet homme. Il ne pourra qu'être touché. On va s'enregistrer, on va vous faire un petit montage. Je compte bien. Donc, quand on en a assez d'entendre quelqu'un gueuler comme ça, on peut passer à André Guitard, qui, lui, on le connaît pour la chanson « La petite grenouille ». Et je vous ai déjà fait jouer l'exposition des fruits et des légumes à un moment donné. Il a aussi fait une magnifique balade. Elle dure combien de temps, celle-là? 3 minutes 14. Bon, on va écouter 3 minutes 14 de lui. C'est « Chérie, comme tu es femme ». Et je vous avise tout de suite qu'à 1 minute 10 de la fin, donc à peu près dans 2 minutes, il y a un super punch. Donc portez attention. Donc on est André Guitard à 70%. On revient après pour parler des G.I. Joe. On est tellement constant. Oh, comme tu es femme. Détache mon cœur et laisse-moi partir. De jour en jour, j'ai appris les joies de l'amour. Et toutes les nuits, Dieu me voulait près de toi. Je suis désemparé quand tu es loin de moi. Je t'aime et ne peux pas me séparer de toi. Tu es femme, tu as pris mon cœur entre tes mains. Chérie, oh, comme tu es femme, détache mon cœur et laisse-moi partir. Ok. On est dans le solo, mesdames, messieurs. Le super fun chant bien. Il nous a chanté « Chante à une femme, chérie, comme tu es femme ». Vous allez voir c'est quoi le punch dans 15 secondes. Mon épouse est chez moi. Ce dernier temps, elle a confiance en moi car elle ne sait pas que je suis tous les soirs entre tes bras. Chérie, oh, comme tu es femme, mon cœur. Alors voilà, mesdames, messieurs, on apprend qu'André Guitard est un espèce de sale infidèle. Et tout ça, c'était chanté à sa maîtresse. Et en plus, juste pour donner un petit peu de trivia supplémentaire, la fille qui chante avec lui en ce moment, c'est sa fille. Alors voilà, plein de bon goût. André Guitard, un homme de son temps. Oui. Hey, c'est là-dessus qu'on va faire une transition vers un thème qui nous est à tous très, très familier. Le thème, bien sûr, du film de ce soir. Pour défendre nos droits, dès qu'ils sont menacés, les G.I. Joe sont là. G.I. Joe sont là. C'est ça, j'aurais été pour les Black Tracker. G.I. Joe, Cobra et Destro, protègent notre liberté. Ils n'hésitent jamais, ils sont toujours prêts. Venant à notre aide, pas terre, pas terre. G.I. Joe. G.I. Joe est le nom de code donné à une équipe de militaires hautement spécialisée. Cette équipe a été mise sur pied pour défendre nos droits et libertés contre Cobra, une organisation criminelle décidée à dominer l'univers. Elle se bat courageusement jusqu'à la victoire. G.I. Joe sont là. G.I. Joe. Et voilà Duke qui le suivant qui prend à l'aide d'un jetpack le drapeau américain et l'amène au sommet de la Statue de la Liberté. On est en terrain connu. G.I. Joe, G.I. Joe. Le terme government issued n'est en fait que du slang de l'époque. G.I. Joe, ça a été né en 1940. C'est un gars qui écrivait des petits romans cheap. Mm-hmm. Et le gars se disait lui-même le G.I. Joe. Il se disait lui-même government issued. Je sais pas si c'est un militaire. J'ai entendu dire que oui, j'ai entendu dire que non. Ah, ça, c'est government issued, ça veut même pas nécessairement dire que t'es un militaire. Ben non, ça, tu peux être un gars qui s'occupe de donner des permis de conduire. Ouais, c'est ça. Donc, on est en 1964 quand apparaissent les quatre premières figurines de 12 pouces dépeignant les G.I. Joe. Action Soldier, Action Sailor, Action Pilot et Action Marine. En 1982, la lignée de jouets s'est trouvé des forces ennemies appropriées, ce qui justifiait une batterie de jouets à collectionner qui n'avait rien à voir avec les quatre Joe originaux. Les Cobras virent le jour en même temps que la variété de G.I. Joe que l'on connaît. Notons d'emblée l'imbécile commandant Cobra et le surhumain Duke qui se veut un hybride de MacGyver, Chuck Norris et Dieu le Père. Les véhicules et figurines de 3 pouces et quart de cette série. Oh, on va écouter ça. On va revenir à mon petit texte après. C'est le méchant. Nous possédons un pouvoir qui éclipse tous ceux de la Terre. Serpentor. Nos conquêtes nous sont arrachées sur tous les fronts. Notre plus dangereux ennemi n'est pas G.I. Joe, mais votre incompétence collective. Serpentor. Quoi? Qu'as-tu osé dire? La faute, impérialiste Serpentor, ne vient pas de nous, mais de vous. Votre commandement a été plein de suffisance, de sensiblerie et de faiblesse. Et s'il a dit, il est complètement fou. C'est de la trahison. Impensable. Oui, le commandement est réellement le cœur du problème. Mais ce n'est pas le mien qui est discutable, commandant Cobra. C'est le tien. Ton stupide orgueil congénital a transformé nos victoires en catastrophes pour la dernière fois. Allez-y, faites de moi votre bouc émissaire. Mes loyaux compagnons peuvent témoigner de mon entier dévouement à Cobra. Mais vous n'aurez pas le courage de les laisser parler. Tu te trompes. Défendez-le si vous pouvez. Bien sûr qu'ils le peuvent. Toi d'abord, noble Destro. Militairement parlant, la simple vérité veut que je dise que le commandant Cobra a toujours été le plus grand des balours. Quoi? Vous ne laisserez pas Destro me trahir de cette façon, sans corriger ces misérables paroles! Certainement pas! Destro a oublié de parler de vos fréquents accès de lâcheté! Ah! Oh, une sensation chez l'ennemi! C'est fou! Tout le monde trahit le commandant Cobra! On est vraiment touché! Donc, on va revenir à mon petit texte, un coup qu'on connaît, là, on est vraiment au début du film, là, c'est le préambule, là, c'est le début. Donc, les véhicules et figurines de 3 pouces et quart de cette autre série ne valent que très peu de nos jours si vous avez joué avec dans le passé du jadis. Car je ne vous apprends rien quand je dis que la distribution originale des dessins animés des G.I. Joe s'adressait aux enfants. Tous les produits G.I. Joe s'adressent aux enfants. Ça le dit, dessins animés pour enfants. Mais en vrai, qu'est-ce que ça veut dire pour enfants? Est-ce que ça veut dire que les parents ils peuvent pas l'écouter, ils comprendront rien? C'est ça. Est-ce que ça pointe en direction du fait que c'est la TV qui nous a gardés et élevés, moi et mes concitoyens, dans les années 80? Dieu bénisse mes parents que j'adore. Moi, je dis que le terme pour enfant en est un déresponsabilisant et que sous certaines réserves, tout est bon pour tous tant qu'on a quelqu'un pour répondre aux éventuelles questions. Pour en revenir au G.I. Joe, moi, j'ai jamais aimé ça. Je trouve imbécile de prendre tellement de temps à bâtir la personnalité de personnages qui passent 20 minutes par jour à se tirer dessus à coups de laser. Pour pallier au décès prématuré que tous ces fiers héros américains ont donné au méchant Cobra le pouvoir de la plus pure imbécilité. Plus que les ninjas d'American Ninja, plus que les Stormtroopers de Star Wars, plus que les corporatifs dans Total Recall, plus que les slimes dans Dragon Warriors, en fait, plus ou autant que n'importe quel autre drouni de l'histoire, les Cobras font vivre chez leurs foot soldiers les grandes valeurs drouni. 1. Avoir le moins de HP possible. Les vrais arrondissent à lentille supérieure. Tu te lèves, tu te cognes ton orteil sur une patte de chaise, tu meurs. Arrondi à lentille supérieure. Bonsoir, Martin Gauthier. Tu peux aller t'asseoir sans problème. 2. Avoir une précision de maître. Un bon drouni se doit de manquer le héros le moins possible. Et 3. N'avoir aucune opinion. Jamais. Voilà les bases du bon drouni. Et voilà ce en quoi le commandant Cobra a réussi à faire ce que peut-être aucun autre a réussi. Aussi bien brainwasher une gang d'être humain. On sait pas, on va l'apprendre plus tard. Lollipop Stomp, on écoute ça. Ça s'appelle Lollipop Stomp, c'est Cachemire. C'est un groupe danois. Mm-hmm. C'est bon. Ça doit être rassurant. Ouais, tu vas voir. Comme le Cachemire. Il parle de bœuf. Mm-hmm. Et puis de petites brochettes. Et puis après ça, bon, on va parler avec Martin Gauthier. Est-ce que leur musique est tellement douce que j'aimerais ça me torcher le cul avec? Pense pas. Non, tu okay. vas voir, là, c'est... Dommage. Tu vas voir, hein. The moon was hanging cool, blue, above the waving swimming pool, as we were feeding moths with feed and drool. Cause we were having Christmas feast, and everyone with pork and grease, cause every guest was eating meat like beef. Cause Santa gave us lollipop, and everyone was gay, the smell of frying pig was in the air. I really think that eating pig pork is quite okay, as long as the meat's well done, I think it's fair. Fanatic vegetarians would call us rude barbarians, but before they did, we fucked them on the grill. The taste was quite mammalian, reminded me of aliens, but salt could give it ooh, the last thrill. And then the gay was lolly pork, and everyone was gay, the smell of frying pig was in the air. I really think that eating pig pork is quite okay, as long as the meat's well done, I think it's fair. My young son was as dead. Can it be that I am so fat? You taught me lolly pork was for my health. Skinny kids with a baseball bat still kick my ass and tell me that my family was never one of wealth. I'm saying the game was on the floor and everyone was gay. The smell of frying pig was in the air. I really think that eating pig pork is quite okay. As long as the meat's well done, I think it's fair. As long as the meat's well done, I think it's fair. As long as the meat's well done, I think it's fair. Thank you all. Ben mon nom c'est Jacques Chevalier, vous écoutez 70% à Choc FM. Là, si ça me prend une joke, je vais aller la chercher puis je reviens tout de suite. Voilà, de retour. Bon, je vais y aller avec un petit texte d'opinion ici. La controverse entourant Barbie est l'une des plus discutées et des plus inintéressantes, mais ça m'empêchera pas de chialer là-dessus aujourd'hui. Go Bruno! Le démocrate Jeff Eldridge tente de faire bannir la poupée dans l'état de la West Virginia car c'est, selon lui, un symbole d'une mentalité désuète de l'Amérique des années 50. Quelle mentalité désuète, dirais-je? Celle où le mariage était un lien sacré qui durait toute la vie, où les enfants n'avaient pas à passer à travers de douloureuses procédures de divorce, celle où la femme restait à la maison pour s'occuper des enfants, comme c'est écrit dans la Bible, ou en tout cas, ça devrait être écrit. Oh, c'est sûrement écrit. Sûrement, c'est écrit. Sinon, on va l'écrire. Ouais. C'est en métaphore. La femme s'occupait de son apparence avant, mais c'était pour son mari. Maintenant, elle s'occupe de son apparence pour séduire le plus d'hommes possible et en faire des orgies et voler l'essence vitale des hommes, ou quelque chose du genre. Non, de bannir la Barbie, pour ce qu'elle représentait à sa création est une solution fallacieuse. Barbie a évolué comme la société américaine. Elle n'est plus une femme au foyer rangée qu'elle était. Elle s'est épanouie et mérite son titre de jeune femme des années 2000, aussi salope que la femme moderne. On doit donc la bannir pour ce qu'elle représente aujourd'hui. Merci, Stéphanie. Je suis un peu confuse. Salope moderne, tu sais. Oui, c'est ça. Mais... parlant de ça. Chanceuse. Tu l'impressionnes. Mais elle, ses genoux, ils plient, c'est encore mieux. Non, c'est ça. Ma taille est moins flexible. Ouais, mais quand même, les genoux, c'est utile. Les genoux. Bon, bref. Alors, toujours dans le merveilleux quartier de la Petite Patrie, si jamais un samedi, vous allez au Jockey Club et que la veille, vous ne savez pas quoi faire, soit le vendredi, vous pouvez aller au bar Coucou, coin Bélanger de Normanville, plus précisément le 1240 Bélanger. Oh, on a un adepte ici. Bref, donc si le vendredi vous vous rendez au bar Coucou et puis vous restez là jusqu'au lendemain, vous pouvez aller au Jockey Club. Mais bref, au bar Coucou, ce que je vous propose, c'est le duo Unisson. Encore là, un mélange de rétro, disco, latin, country et un type de musique qui se nomme social. Donc, on cherche encore la définition. Une musique sociale. Oui, et c'est Bienvenue aux dames. Donc, la chanson de plutôt ne peut pas fonctionner. Non, même si vous êtes défendu. On est défendu. Et il y a de l'air climatisé. Je tiens à préciser, c'est écrit en caractère 28 blanc sur les fenêtres. Donc, air climatisé. Et quand si vous voulez, il y a le duo Jack-Dan, qui est sûrement Jacqueline et Daniel, ou Jacqueline et Daniel Le. Ou bref, on sait pas c'est qui. Femme qui chante Jack, l'amour. Jack Daniels. Oh, c'est Jack Daniels. Ah, c'est peut-être Jack Daniels, diminutif. J'aime comment tu penses. Bref, ils chantent l'amour, oui. Donc, on les a manqués. Dernière représentation, 27, 28 février et 1er mars. Mais l'affiche est encore là pour stimuler les gens à faire un rappel. Oui. Alors, bar c'est Coucou. Sûrement pas Jack Daniels parce qu'il chanterait pas l'amour, il chanterait l'oubli ou quelque chose. Hein. La vomissure. Ouais, l'amour qui a mal été. Le désespoir. Hey, oui, mais ça dépend. Il y a peut-être un métalangue dans les chansons. Ah, peut-être. Donc, cette fois-ci, tu nous rappelles l'adresse? Bar Coucou, 1240 rue Bélanger, Ouest. Est. Est. Est. Et sur ce, je pense que si on va rester en féminin, là, Jess va prendre le contrôle. Oui, ben voilà, être une femme, quoi de mieux pour nous aider à le devenir? Il y a plein de cultures alentour de nous hein, qui nous aident. Alors, la culture qui fait qu'on se cultive, hein, qu'on se perfectionne, qu'on s'améliore et qu'on devient chaque jour un peu plus mieux. Et donc, parce que c'est important de s'instruire, on a des outils. Je pense à la littérature. Donc, il y a une panoplie de livres qui existent avec des titres fabuleux qui nous aident à être six femmes. Je pense au livre de Chantal Lamarre et de Joanne Blais qui a comme titre « Être femme à 40 ans et après ». Point d'interrogation. Alors, ça, c'est vraiment un livre pour vous aider à rester en pleine forme et vous sentir bien. Ça va vous apporter des réponses claires aux questions que vous vous posez, du genre « Après 40 ans, dois-je encore prendre une contraception ?» ma libido baisse, est-ce normal? Prendre du poids, est-ce inévitable? Et j'ai peur du cancer, est-ce une fatalité? Également, il y a Tinabe Tessina, hein, c'est cette grande auteure, qui nous propose les 10 décisions gagnantes qu'une femme doit prendre avant 40 ans. Oh. Alors vraiment, elle nous dit que certaines femmes semblent être maîtres de leur vie. Ah. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'elles le sont. oui, alors ça c'est... Fiez-vous aux apparences. C'est développé 152 mais pages. Voilà, mais c'est vraiment un guide. Alors, c'est un guide pratique et intelligent hein, qui invite les femmes à ne plus laisser la vie décider de leur destinée. On continue avec Renaud Parent. En fait, Hélène Renaud Parent qui nous propose 8 moyens efficaces pour réussir son rôle de parent. Tu vois, son nom, c'était pas parent, c'était vraiment juste Hélène Renaud. Alors, comment réussir à être parent? Ça, c'est un mode d'emploi éducatif qui offre des outils concrets et aisément applicables à tous les parents. Donc, c'est vraiment à tous les parents et on y révèle ce que chacun devrait savoir pour vivre une relation vivante. On continue avec Lynn Bolduc. Comment toujours réussir à être une femme? Avec choisir l'abondance. Alors, qui se questionne sur l'infidélité qui peut tourner au drame, qui peut détruire un couple. Quand notre couple est-il terminé? Elle répond. Antoinette Layoun, les 10 clés de l'amour. Non, ce n'est pas une revue à le Québec. Et elle propose vraiment une méthode de pratique pratique d'intégration pour offrir au lecteur une façon simple de faire un parcours sur le chemin de l'amour. Et en terminant, il y a Dale Carnegie qui nous donne tous les outils pour savoir comment se faire des amis et influencer les autres. Moi, je vois ça comme un guide du crosseur. Mais en fait, c'est vraiment un best-seller mondial, traduit en 37 langues et vendu à plus de 40 millions d'exemplaires. Puis c'est un livre qui donne des conseils efficaces pour créer l'harmonie autour de vous et donc influencer vos semblables et pouvoir développer vos talents du leader. Donc, en littérature, voilà ce que c'est si vous voulez évoluer. Sinon, au cinéma, bon, il y a l'accro du shopping qui est maintenant à l'affiche. Et je vous suggère l'excellent site web Girl Attitude, qui est un rassemblement de tous les livres féminins avec des titres À quoi pensent les garçons ou encore La vie à deux. Demande pas aux garçons que tu côtoies ça à quoi ils pensent. Lis le livre. Il faut lire le livre, aller au cinéma, il faut s'imprégner. Parce que de toute façon, si tu demandes aux garçons autour de toi à quoi ils pensent, tu as beaucoup de chances qu'ils te répondent rien. Ah oui. Et là, à ce moment-là, je vais me sentir mal et en plaire et j'irai m'acheter un livre qui m'apprendra à surmonter cette épreuve-là. C'est bon. Bonne réponse. Façon de surmonter le fait que les gars pensent à rien. Jessica Lesage, merci beaucoup. Toute une femme. T'es le pilier de concret qui fait que cette émission-là tombe pas dans les abîmes du n'importe quoi. Moi, j'ai appris aujourd'hui. Moi, ça me fait peur un peu qu'il y a 40 millions de personnes qui savent comment influencer les autres, puis moi, je l'ai pas, ce livre-là. Ben écoute, Ben oui, il va falloir que je l'achète moi aussi, sinon je me fais avoir par tout le monde. Je pense que je vais partir un encan. C'est quoi le livre, le guide du crosseur, déjà? Le guide du crosseur, c'était mon... c'était comment se faire des amis et influencer les autres de Dale Carnegie. Il n'y a pas aussi 10 façons de tuer un clown ou quelque chose? Ben bien écoute, ça, on s'en reparlera. Okay. Merci beaucoup, Jessica. Étienne, est-ce que tu es capable de nous faire souffrir un... Ah, quoi qu'on peut dire salut à Israël Trudel-Denis qui est revenu faire un tour. C'est toujours un plaisir de revenir à 70% pour vous parler de ce que vous avez vraiment entendre parler, la politique. Mais Israël, qui était en prestation, qui était en prestation samedi dernier. Oui, tout à fait. Avec ça, bonne journée. Ça s'est bien passé, oui. J'ai fait un beau spectacle. J'étais fatigué, mais ça s'est bien passé. J'ai eu une belle tournée en fin de semaine. Je vous jase de ça, là. T'es allé à Sherbrooke avec les canards. Oui, j'étais allé à Sherbrooke avec les canards, puis là, j'étais vraiment saoul, puis je sais pas, je m'en rappelle plus trop. En fait, là, on s'est couché comme pendant deux heures, puis tout mon groupe a été malade. Puis je vais vous parler par la même occasion qu'à Sherbrooke, il y a un programme qui s'appelle Tolérance Zéro. C'est très intéressant. Ça, c'est comme le nez rouge à l'année. Fait qu'on s'est collé ça. C'est super le fun. Dans le fond, il devait avoir ça dans toutes les villes, un nez rouge à l'année. C'est vrai. Ça coûte moins cher qu'un taxi, puis tu peux rentrer ben sous. Fait que là, on rentre ben sous, puis là, il y a Benoît, mon excellent drummer, qui dit tu peux-tu t'accoter sur le côté 5 minutes, attends une minute. Fait que là, tout mon groupe a été malade, sauf moi, je tiens à le dire. Bravo. Fait que le lendemain, à Montréal, on n'était pas si en forme que ça, surtout parce que Benoît nous avait réveillés avec une trompette dans nos oreilles après 2 heures de sommeil. Il s'appelle plus But, ton excellent drummer, là, il s'appelle Benoît. Ouais. Ça, c'est plus mon meilleur chum, t'es dans ce temps-là. C'est ça, est-ce que vous avez eu du fun aujourd'hui? Ben moi j'ai eu les bananes en pyjama que tu m'as amené. Je t'ai offert les bananes en pyjama, oui. Et puis on a appris quelque chose de fabuleux sur Jack Dan. Et puis il y avait l'autre, là, le gars qui chantait comme une fille tantôt, qui a écrit une toune, il cherchait des femmes. Ah ouais, puis les nouvelles, le gars il est allé chercher ses clés dans une dompe à vidange, puis il s'est rendu compte que c'était dans sa poche arrière. Sinon, Chantal Lamarre a écrit des livres. Ben certain. Ah, tout à fait. Puis là, on va s'en aller poursuivre la chronique de Étienne Forêt, alias mon ennemi juré. Oui, puis après ça, on va s'en aller avec Martin Gauthier parler des villes, en fait des business. C'est quoi, Martin? Un espèce de fétiche sur les entreprises qui utilisent de vaseux jeux de mots pour faire leur promotion. Et moi, j'aime beaucoup ça. Et voilà. Pour l'instant, DJ George, fais-nous souffrir. Oui, et bien tantôt, là, on avait André Guitard qui trompait sa femme comme un bon puis qui le chantait avec sa fille. Diane, qu'on salue, Diane Guitard. Alors, évidemment, ça n'a pas le choix de finir par un divorce, cette histoire-là. Donc, c'est pour ça que ma prochaine chanson, c'est, vous la connaissez sans doute, Rick O'Neill qui chantait, je me sens entre guillemets, « Ma femme me laissait ». Alors ça, « Ma femme me laissait », c'était souvent sur des compilations du genre 12 chansons comiques. « Me laissait ». Et oui, c'est ça. Un moment de touchante sincérité de la part de Rick O'Neill. Eh oui. Donc là, il y a de la petite musique de fin de soirée dans un bar poche, genre le bar coucou, qui joue. Et Rick O'Neill fait juste répéter que sa femme l'a laissé tout en riant comme un bon pendant un bon 2 minutes 24. Ça veut-tu dire qu'il est pas triste dans le fond? Il a l'air d'être content, ou sinon, c'est le choc, puis il n'a pas réalisé encore que demain, il va falloir qu'il utilise le four, puis qu'il sait pas comment. Qu'est-ce que ça veut dire, mettre le rond à 7? Faut-tu le mettre sur 7? Je comprends rien. Alors, ça conclut un peu mon... Ça conclut un peu mon bloc femme. Mais il n'y a pas que les femmes qu'on peut fêter à la journée de la femme. On peut fêter les filles parce qu'on sait quand même que... Elles sont en devenir. Elles sont des futures femmes. Ou sinon, souvent, on appelle les femmes les filles parce que c'est plus joli. Donc, ça fait moins impliquant. Donc, je vais passer tout de suite à mon ami Eduardo. J'en ai fait jouer la semaine passée. Est-ce qu'il y a... Eduardo! Qu'est-ce que tu veux encore? Regardez comme ça va mal dans sa vie de couple. Mais pourquoi tu me fais la gueule? Tu vas vraiment le savoir? Bien, je vais te le dire pourquoi. Il règle ses comptes en chanson, mesdames, messieurs. Une fille comme toi rentre tard dans la nuit. Dans la nuit. Les filles comme toi, les filles comme toi, savent pas quoi faire de leur vie. Oh, je l'ai pas vu venir, celle-là. Non. Les filles comme toi. Comme toi, ouais, on leur place dans tous les bars. J'aime le bar coucou. Les filles comme toi. C'est comme un slow pour danser tout seul, ça, en fait. C'est ça. Ben pour danser un dernier slow avec ta blonde, la sacrée là après. Va-t'en. Et là, ça devient cha-cha. Je ne suis plus un con. Va-t'en, va-t'en. C'est ma dernière chanson. Je n'en suis plus. Alors, on se demande si cette fille-là, c'est la fille que Eduardo était pas capable d'aller voir la semaine passée quand il avait perdu sa carte orange. Et là, finalement, il nous la plante là en chanson. Puis la pauvre fille, elle comprend rien de ce qui lui arrive. Puis elle intervient de temps en temps. Et le meilleur bout de cette chanson-là, c'est clairement la fin où la fille de blonde d'Eduardo. La chanson arrête. Non, juste avant. Quand elle essaie de revendiquer. Puis elle lui fait une chanson, elle aussi, en même temps. Je pense ça là. Ça, c'est mon route préféré quand tu le fais avancer. Je ne suis plus un con. Va-t'en. Moi aussi, je peux te chanter une chanson. C'est ma dernière chanson. Je ne suis plus un con. Le cafouillage. J'ai une émotion à chaque fois. Je ne suis plus un con. Tu veux des spaghettis? Je te fais des spaghettis. Et voilà l'argument choc. Ne me laisse pas, je sais faire des spaghettis. Elle cuisine. Elle sait, elle, comment mettre le rond à 7. Sinon, ben, on a Claude Blanchard, feu Claude Blanchard, qui, sous sa personnalité de Nestor, nous chantait « Les petites filles me travaillent ». Pas de ma faute, j'en oublie tout, mais je vois des petites filles partout. Les petites filles me travaillent, les petites filles me travaillent. C'est pas de ma faute, j'en oublie tout, mais je vois des petites filles partout. Donc Nestor, c'était l'alter ego de Claude Blanchard. Il faisait semblant d'être un enfant de 6-7 ans qui avait un problème de langage. Dans ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup d'orthophonistes. Et puis, il allait à l'école comme ça, puis il avait de la misère à rester concentré parce qu'il regardait rien que les petites filles. Hey, la femme de l'Italie, là, on va te dire, la femme est belle, puis elle s'appelle Gina. Hey, moi, je pensais qu'à ça, les uns, ouais. Ça, c'était énigmatique, ce mot-là. Les uns, comme on sait qu'ils prononcent pas les R, ça veut dire les reins, mais même à ça, il me semble que c'est pas l'affaire que j'admets. Ils prononcent pas les S? Ben, d'habitude, c'est les R, quand t'écoutes le reste de la toune. Ouais. Ça aurait plus d'allure. Le travail, ouais, mais c'est les R, je dis pas. Sinon, ben, si vous vous êtes toujours demandé à quoi ça sert, les filles, on a Charlotte Leslie qui a une réponse. Elle-même une fille. Donc, elle sait de quoi elle parle. Elle s'est questionnée sur son existence. C'est ça. Exactement. Elle aurait pu écrire un livre. C'est des questions existentielles. On le sait pourquoi. Les filles, c'est fait pour faire l'amour. Moi, je l'aime, cette chanson-là. Moi aussi, je l'aime bien. Moi, c'est je connais. Ouais. C'est un bon message. Ouais. Puis évidemment, quand on parle de filles, il faudrait qu'elles soient convaincues entre elles, on serait content. C'est ça. C'est un message que j'essaie de propager ici. Bon. Merci. Je me fais le sauveteur de l'humanité. Fait que tu nous en plugues une petite dernière, on va l'écouter au complet avant d'aller voir la chronique de Martin Gauthier de Laval. Ben là, si on est pour y aller au complet, je vais en choisir une bonne. Si on parle d'une fille qui est très connue, on connaît tous la fille d'Ipanema. Donc, j'ai le choix. D'Ipanema? Non, d'Ipanema. Ah. C'est une ville, Ipanema. Donc, on a le choix entre la version de Daniel Do et la version de Michel Louvain. Daniel Do! Donc, Daniel Do, évidemment. Pour encourager nos équipes. C'est beaucoup plus joyeux que celle de Michel Louvain. Donc, écoutons. C'est la faute à DJ Georges. Il est tellement suave. Mais, hein, il est aussi langoureux que tout. On subit ça et on s'en va là-bas à la tête. C'est belle et douce, la fille d'Ipanema se pousse sur le rivage et toute la plage fait ah. Elle marche comme une algue portée sur l'aile d'une vague jusqu'au rivage et toute la plage fait ah. Sa course, il ne voit qu'elle, mais ça ne voit que la mer. Elle ne voit que la mer. Elle ne voit que la mer. Grande et mince et belle et douce, la fille d'Ipanema se pousse sur le rivage et toute la plage fait ah. Sa course, il ne voit qu'elle, mais elle ne voit que la mer. Elle ne voit que la mer. Elle ne voit que la mer. Un village interdit plein de ninjas. Plein de ninjas. Plein, il y en avait partout. Les efforts du département de l'intérieur britannique de diminuer l'immigration illégale apportent des conséquences non intentionnelles, comme par exemple un manque de clowns en Grande-Bretagne. c'est que les cirques britanniques emploient beaucoup de plus d'acrobates et d'interprètes étrangers qu'à l'intérieur de leur propre pays, qui n'offrent pas beaucoup de formation pour le cirque professionnel. Martin Lacey du Great British Circus affirme que deux de ses clowns sont pris en Ukraine. Ses cavaliers mongols se sont fait refuser leur visa et son clown mexicain est pris au Mexique. C'est donc un trapéziste qui doit prendre sa place pour l'instant. Ça voilà, ça va pas bien. Ça va pas bien. Il va falloir ouvrir les frontières là, en cette période post 11 septembre, ça n'a aucun sens. Les clowns peuvent plus voyager. Il y a un centre commercial en Nouvelle-Zélande qui utilisera bientôt notre préféré Barry Manilow afin de se débarrasser des adolescents qui flânent autour des commerces. Ah, quelle bonne idée. Le but étant de changer l'environnement de façon positive pour que les personnes ne se sentent ni menacées ni intimidées. Le conseil municipal, la police ainsi que les 410 commerces sont d'accord que la musique Easy Listening de Manilow changera peut-être le comportement des adolescents flâneurs. Peut-être. Ben, j'espère. Barry Manilow pour la paix sociale. Exactement. C'est pas une arme de destruction massive, là. C'est, non. Boy, c'est une arme de compréhension. De compréhension massive. Martin Gauthier qui s'est déplacé de son Laval pour nous parler de son Laval. Feu! Ben, en fait, ça dépasse un peu le contexte de Laval, mais depuis presque une vingtaine d'années déjà, j'opère des commerces et on est constamment sollicité à titre de propriétaire pour créer des publicités. Et dans la publicité, évidemment, il y a le slogan, mais il y a aussi les noms de commerce, il y a aussi les petites maximes, la petite promotion du jour, et les entreprises de ce monde rivalisent d'ingéniosité pour... nous accrocher l'œil ou nous faire sourire ou en fait finalement nous fourguer leur camelote. Alors j'ai développé une certaine fascination morbide pour le thème des jeux de mots vraiment totalement pourris dans la publicité commerciale. Alors je commence un exemple tout simple. Ici on a Stéphane Vien qui est agent immobilier dans Pont-Viau. D'ailleurs on apprend sur sa brochure qu'il est résident de Pont-Viau depuis plus de 40 ans. Wow. Comme si c'était un prérequis pour vendre des maisons. Il doit vraiment être bon. Il doit vraiment être bon. Ouais. Alors, Stéphane vient qui nous fait des promotions régulièrement dans le Publisiac. Là, définitivement un contributeur excellent à la coupe à blanc dans le Grand Nord du Québec. Stéphane, agent immobilier, nous revient avec son magnifique slogan. Stéphane vient de vendre. Mmh. Oh. Ouais, ça mérite. Ouais. Alors ça illustre un peu le propos. J'enchaîne avec une toute simple 5 à 8. Ouais. Évidemment. Qu'est-ce qu'on y mange? Ben voilà. Les 5. En tout cas, c'est les 8 à 20 piastres, la douzaine. Ah. Le Poids Penché, un restaurant du centre-ville de Montréal. Un établissement relativement de classe, là, où ça coûte quand même fucking cher à manger. On peut s'imaginer qu'il y a une agence qui a travaillé là-dessus, parce que c'est accompagné d'un beau visuel. Et c'est le 5 à 8. C'est à ça que sert tout l'argent qu'on leur donne. Voilà, exactement. Ici, on a quand même d'un plus gros calibre. Probablement la Fédération des pêcheurs de homards du Québec qui incite en fait tous les restaurateurs gagnent avec le homard du Québec. Oh. Alors il y a le d'intégrer dans le slogan. Là, il y a définitivement une agence de pub et je pense qu'il y a un travail de journaliste d'enquête que je devrais vous refiler à vous, les journalistes de Choc de 110% pour essayer d'aller trouver qui l'agence? C'est qui le faire. C'est qui la recherche? C'est qui le gros poche? C'est qui le gros poche qui nous a produit un truc comme ça et qui a été payé grassement? Ah ben oui. Mais c'est ici avec Stéphane Vien. Un salaire de créatif dans une agence, ça dépasse nettement le seuil de la pauvreté. Là. Ben les gens qui font ça sont grassement. Ça dépasse sans doute la somme de tous nos salaires ici. Non? Probablement. Mais comme quoi que manger du homard, c'est bon et c'est zen aussi parce que c'est le son qu'on fait quand on fait de la relaxation également. Alors, il y a peut-être un troisième niveau qu'on n'avait même pas vu. J'enchaîne avec une de mes préférées. Tommy, tu l'as dit tout à l'heure, j'habite fièrement Laval. Et à Laval, il y a 3 ans, lors d'un congrès de touristes réunissant la crème des acheteurs de l'Amérique du Nord et des vendeurs du Québec, on a été reçus par la ville de Laval, dont le slogan est, depuis ce jour-là, « À Laval, plein d'affaires à faire ». Oui, j'ai vu la grosse pancarte, ça gagne. « À Laval, plein d'affaires à faire ». Alors récemment, je faisais graver cette plaque-là dans le cadre d'un certain rallye. Et le gars à la gravure, merci au Trophée Brisson qui nous ont fait un beau travail de trophée, le gars me dit « Mais tu me l'as déjà dit, à faire ». Je dis « Non, non, c'est comme « À Laval, plein d'affaires, espace ». À faire. Là, j'ai comme tout. Puis là, il m'a dit, mais c'est bien mauvais. Alors, merci Laval, Tourisme Laval, une agence qui est encore une fois une grosse agence, un gros budget. On parle d'un organisme qui dépense des millions chaque année en promotion, qui nous a fait à Laval plein d'affaires à faire. beaucoup plus simplement, à la limite du sympathique, aux Îles-de-la-Madeleine, une pizzeria qui s'appelle La Pizza de la Pointe. Et c'est doublement drôle quand on sait qu'ils sont genre aux trois rues de la Pointe. Alors ça me fait bien rigoler parce que c'est aux îles Amadelles à tout un point. Ici dans un restaurant, encore une fois, les restaurants sont quand même assez champions pour ces petits mots-là. Alors un restaurant, on s'imagine indien, ni plus ni moins, qui s'appelle le Cash and Curry. Mm-hmm. Cash, okay. Cash and Carry. Ouais, cash and carry. Ouais, des fois, il faut les voir. Là, des fois, c'est plus, c'est un peu plus léger. Évidemment, à Québec, tous les inconditionnels le reconnaîtront, le walk and roll. Oui. Alors, on en a un à Montréal aussi, un walk and roll. On y a droit à Montréal. C'est pas le American Chinese de celui de Québec. Là, ouais. C'est le même nom. Ah ouais, parce que je pense qu'il y a des notes de musique alentour de son nom à Québec. C'est le seul vestige de feu de quartier chinois de Québec, en fait. Il y a eu un quartier chinois à Québec. On découvre ça. Alors, tu vois, il y a quand même quelque chose à travers tout ça au niveau de l'enquête. De l'histoire. Mon paysagiste, qui fait aussi le déneigement, en fait, il fait juste le déneigement, le paysagement, on sait pas trop c'est quoi chez nous, s'appelle Dan Nature. Oh. et évidemment, je passe sous silence qu'il s'appelle Daniel. Oh. Ça serait beaucoup trop drôle si ça avait nos été. Nos auditeurs sont spécialistes. J'en ai vraiment une pour toi. Oui, j'ai vu cette semaine Alexcavation. Moi, j'ai Alexcalibur. Ah, ça aussi, je l'ai vu! Une compagnie de transport! C'est vrai. Alors, évidemment, je pense qu'il y a un bout d'intérêt là-dedans, c'est de se relancer. Je me fais un devoir de les documenter, sinon on peut s'en inventer. Par exemple, ce serait facile de dire « centre dentaire des caries », tu sais. Ce serait très facile de penser que ça existe, mais bon, c'est pas documenté. Alors, l'intérêt dans ça, c'est de le documenter. Quand on peut pas avoir des publicités ou des cartes d'affaires, une photo peut suffire. Moi, mon dentiste à Val-d'Or s'appelait le dentiste Carrier. Tu vois? Alors, c'est incroyable. Notre plombier, c'est la plomberie Boucher. C'est quand même vraiment extraordinaire. Particulièrement quand on sait que le gars s'appelle pas Boucher, mais qu'il a comme racheté une plomberie puis qu'il a pas pris le temps de changer le don. Là. C'est vraiment... Ça coûte 150$, je pense. C'est vraiment terrible. Là. On en a-tu un petit dernier? Ah oui, j'en ai plusieurs encore, en fait. Il nous reste 2 minutes. OK, alors j'ai un forfait qui a été monté en collaboration avec le Parc Safari et un hôtel de Montréal dont je tairai le nom. Et ça s'appelle « Fauve voir ça ». À Montréal. Il y a un gros lion sur la patente. Ça n'a pas rapport, le lion. Dans un de mes préférés, parce qu'encore une fois, on parle d'une grosse agence, la compagnie Olimel qui vend les volailles, une compagnie canadienne de grosses envergures, de saucisses, du jambon, ganapé, n'importe quoi. Ils en vendent, OK? Ah oui. Alors, avec Olimel, c'est une campagne pour le dindon. Alors, avec Olimel, c'est dindon facile. Ça, je pense que... c'est une des fortes. Et juste avant de me faire éjecter, parce qu'il reste 4 minutes à l'émission, je vais terminer avec, je pense, une des plus fortes. Sur la vin disponible au vu et au sus de tout, les lainages ou les tissages bennent la laine. C'est vraiment ongoing. Moi, je pense que tu peux mettre ce que t'as pas passé de côté puis repasser à un moment donné. Écoute, il en reste encore pour. Puis ça va mettre tout le monde au défi d'essayer d'en trouver. Ben oui, on va se faire un melting pot. Trouver qui les a fait. Coiffeur uppercut. Oui, coiffeur uppercut, ça c'est vraiment mauvais. Il y a un petit restaurant thaïlandais sur Boulevard de Laurentide qui s'appelle Viens donc. Et son slogan c'est Viens donc, t'es viens donc. C'est vraiment splendieux. Il y en a autant qu'on... Un indicatif, Martin Gauthier, on laisse ensuite. Ben écoutez, si tout le monde avait 70%, ça serait déjà pas mal moins pire que ça l'est maintenant. Et voilà, merci beaucoup. C'était 70%, DJ George. Fais attention à toi, hein. Comme toujours. T'amènes beaucoup de souffrance sur la planète. Oui. Même chose pour Stéphanie Balthazar, mais à l'inverse, merci d'être repassée. Ça fait plaisir. On ne te fait pas attention à toi, non. On ne fait pas attention, t'amènes de la joie. Toi, Jessica, on va se reparler tout à l'heure. Toi, Bruno, ben, c'est comme à chaque semaine, c'était 70%. On s'en va écouter G.I. Joe là-bas. Là-bas. Fait que vous autres sortez. Vite. Pendant que vous autres, ils sortent. Vite. Moi, je vais aller mon petit texte. Vite. Je parle un peu du long métrage des G.I. Joe. Diégétiquement, il a lieu entre la première série de 140 fois 20 minutes de dessins animés qui ont passé de 85 à 87 et la deuxième série de 44 épisodes de 89 à 91. La trame se veut semi-chronologique, la majorité des épisodes se terminant sur le statu quo du début de l'épisode. Ce qui frappait le plus durant la série, du moins de mon esprit de petit gars de 8 ans, c'est le fait que jamais personne ne fut jamais atteint d'aucune facette du décès durant les épisodes. Jamais d'explosion de shrapnel qui arrache une moitié de face, jamais une balle perdue, jamais personne qui ne déclenche le siège éjectable en retard, jamais. En rendant tout le monde imbécile parce que personne ne meurt, on garde le show au niveau pour enfants. Comme si l'intention ne comptait pour rien d'adulte. On note également l'aberrante stupidité du commandant Cobra, chef des plus peu drounis. Même avec un budget lui permettant une base dans un volcan éteint sur une plateforme de forage dans un marécage sur des ruines mayas en Arctique, sous la mer dans l'espace, même avec un budget lui permettant une de ses bases par jour, il n'est jamais passé après, ne serait-ce que de tuer un des nombreux G.I. Joe. Même en contrôlant la météo, il n'a pas réussi. On s'en va écouter ça au brouhaha ce soir. On laisse la place à l'écran total. C'était 70% à Choc, Choc, Choc FM. Je laisse avec les G.I. Joe parce que c'est bon. Personne ne peut défier Serpentor. Ceci est un ordre. Ce ne sera pas nécessaire. Je t'ai déjà vu. Je t'ai déjà vu auparavant. Dans un rêve. Une vision. Dans tes souvenirs, grand Serpentor. Je fais partie de ta destinée. Lorsque tu as été créé, mon visage a été gravé dans ton âme. Je suis Pitona. Et le temps est venu pour toi d'accomplir ta destinée. Regarde, le bioénergie transmetteur, le BET. Ça m'est égal de conduire toute la nuit, nous y serons dans la matinée. C'est drôle. Et on pourra même... Je suis Denis Villeneuve, vous écoutez Choc FM. Amis cinéphiles, bonsoir, bienvenue à Écran Total sur les ondes de Choc FM, la radio web de l'UQAM, ici Nicolas Krief, accompagné de toute mon équipe, excepté pour Sabine Garcia, qui est allée guérir le cancer au Sri Lanka. Comment allez-vous tout le monde? Ça va bien. Alors bonjour Samuel, Guillaume, Goran, Marie-Lise et Valérie derrière la vitre. Ça va Valérie? Oui, ça va bien. Pleine de joie de vivre. Alors gros menu ce soir, on va commencer par Marie-Lise, de quoi nous parles-tu? J'ai eu la chance avec Sabine, même si elle est